Chapitre 11. Depuis ce jour, Wellesley erra en proscrit à travers l'Angleterre, accompagné d'Arthur Derby, le seul ami que l'infortune lui eût laissé. Sa tête était mise à prix, et ceux qui lui donneraient asile étaient déclarés coupables comme lui de haute trahison. Aucun espoir n'avait pu survivre dans son esprit. La chute du cardinal ministre avait précipité les résolutions de Henri. Yana de Boleyn avait enfin posé sur sa tête la couronne arrachée au front de Catherine. L'avènement de la jeune fille dont son imprudence avait blessé une seule fois la vanité ne laissait plus à Wellesley aucune chance de salut. Un soir, c'était le 6 janvier 1530, l'évêque venait de finir dans un couvent des Chartreux, situé dans le comté de Leicester. Un frère vint dire au prieur qu'un jeune homme vêtu en paysan s'était présenté à la grille et demandait à lui parler en particulier. Le prieur ordonna qu'on conduisait l'étranger au parloir où il alla le rejoindre. Ce messager lui apprit que l'homme qui avait été investi des plus hautes dignités de l'Église et de l'État, que le cardinal Wellesley était aux portes du monastère même où il avait été élevé, où il avait reçu les ordres, et que le proscrit venait d'y demander l'hospitalité. Le prieur n'avait pas perdu le souvenir de la protection qu'au temps de sa prospérité, le ministre déchu avait accordée à ce couvent de prédilection. Il assembla aussitôt tous les religieux et se rendit au-devant du fugitif avec les bannières de la communauté, la grande croix d'argent et l'encensoir, et l'accueillit avec un profond respect, malgré le danger d'une hospitalité qui, si elle était connue, pouvait amener la ruine du couvent. Arrivé dans son dernier asile, Wellesley ne voulut pas retenir plus longtemps loin du monde le jeune ami qui avait partagé jusque-là sa vie errante, et avait expié ainsi le malheur d'avoir été la cause involontaire de la ruine de son maître. Il donna au comte Arthur Derby la chaîne d'or à laquelle était attaché un reliquaire, renfermant un morceau de la vraie croix qu'il portait toujours à son cou. « Gardez ceci, pour l'amour de moi, lui dit-il, et aussi souvent que vous y porterez les yeux, priez le Dieu de miséricorde pour le prince et pour moi. » Puis ils se séparèrent en pleurant. Le prieur s'empressa de conduire Wellesley au réfectoire où était servi le repas du jour des rois. Il observa que le double vœu qui avait été formé par le frère et par lui, à propos du magnifique gâteau, avait été réalisé par le sort qui envoyait leur table, en même temps, le premier des princes de l'Église et le plus pauvre des voyageurs pour le partager avec eux. On s'était empressé de préparer pour le cardinal la meilleure pièce du couvent, mais il demanda comme une grâce de coucher dans la petite cellule qu'il avait autrefois habitée. À peine s'y reposait-il que deux frères du couvent s'y présentèrent, portant à la main un bassin d'eau parfumée. L'un d'eux s'agenouilla devant lui et lui lava les pieds, selon le pieux usage du couvent. Pendant ce temps, l'autre moine était resté près de la porte, son capuchon rabattu sur la moitié de sa figure et roulant dans ses mains un chapelet comme pour se donner une contenance. Les yeux de Wellesley étaient retenus malgré lui sur ce moine par un vague sentiment de terreur. Quand les religieuses se furent retirées, il se mit au lit. Une fièvre inflammatoire le saisit cette nuit-là même. Après 15 jours de délire, les forces du corps étant entièrement épuisées, le cerveau reprit pour quelques instants cette lucidité suprême qui précède l'agonie. Son dernier jour était venu. Sa première pensée fut d'appeler le prieur, voulant lui faire la confession de sa vie entière. Il se recueillit et commença cet acte solennel. Il parlait de la voix brève et gutturale des mourants. Quand il eut cessé, le saint prieur penché sur lui s'apprêtait à lui donner l'absolution qui allait le faire mourir en paix, lorsque tout à coup des cris d'alarme s'élevèrent de tous les coins de la communauté. L'incendie dévore déjà une des ailes du couvent et les religieux appellent leurs supérieurs dans ce pressant danger. Celui-ci pose près du lit mortuaire le ciboire contenant l'hostie consacrée, le vase où est l'huile sainte des derniers sacrements et sort précipitamment de la cellule. À peine a-t-il franchi le seuil qu'un moine s'y présente aux yeux du moribond, la tête haute cette fois et le capuchon rejeté en arrière. C'est Hopkins. Wellesley était alors dans un moment trop solennel pour que l'apparition si soudaine du plus odieux de ses ennemis pût lui causer la moindre émotion. Il dit avec calme au moine: « Je te croyais dans l'autre monde, Hopkins. C'est moi qui vais t'y précéder au lieu de t'y suivre. » Oui, 5 coups de poignard et le torrent de Cherford pouvaient justifier ton espérance. Mais que veux-tu? Le sort en a décidé autrement. Comme je luttais contre le flot avec le bras que tu n'avais pas percé de coups, une barque matinale passa près de moi et me recueillit. C'était une honnête et sainte barque, cardinal. Une barque pavoisée de tes couleurs et montée par des fermiers appartenant à tes riches domaines. Dès qu'ils virent un ministre du Seigneur, un de tes frères, ou elle sait, entraîné par le courant, ils volèrent à son secours. Ils le sauvèrent, le déposèrent sur le rivage, au foyer de leur petite cabane, où ils mirent tous leurs soins à le guérir, en remerciant Dieu de conserver un serviteur de plus à leur gracieux et honoré maître. N'est-ce pas amusant, Wolsey ? Or, tandis que les tiens me rappelèrent ainsi la vie à tes frais, Wolsey, moi, ta victime, j'adressai le jour même à Moluc, mon meilleur ami, un billet écrit dans une langue que lui seul pouvait comprendre et la suite duquel Catherine Gordon tombait par erreur sous le poignard de l'imbécile. Mais enfin, son poignard ne s'était trompé qu'à demi puisqu'il t'avait frappé dans ta bien-aimée. Wolsey tressaillit à ce souvenir. Il tenait encore par cette fibre à la terre. « Tu étais proscrit, » continua Hopkins, « lorsque ma convalescence me permit de te choisir une retraite. Ma haine, alors n'ayant plus de but à atteindre, je résolus d'ensevelir le reste de ma vie dans ce monastère qui a vu notre jeunesse à tous deux, et où, par conséquent, je pouvais encore te haïr plus vivement qu'ailleurs. » « Que m'importent les passions de ce monde ? » interrompit avec calme le mourant. « Dans quelques instants, l'éternité va s'ouvrir pour moi. » « Oui, mais dans quel état vas-tu y paraître ? Tu te présenteras chargé de toutes les souillures de ta vie devant le tribunal de Dieu. Le Saint-Prieur reviendra me racheter et me bénir. Il ne reviendra pas. Écoute, car je n'ai pas fini ma confession, moi. Le lendemain même du jour où je t'ai revu ici, ton successeur et ton ennemi, sœur Paulette, apprenaient à Londres, par mes soins, la présence du proscrit dans ce monastère. Deux jours après, courrier par courrier, je recevais sur ma demande l'ordre d'y mettre le feu, en punition de la coupable hospitalité qu'il t'accordait. « Misérable !» s'écria Wolsey. En ce moment, les cris du dehors redoublèrent et la lueur rouge de l'incendie illumina la cellule. « C'est moi qui l'ai allumé tout à l'heure, » reprit Hopkins. « Et je l'eusse fait beaucoup plus tôt si, pendant ces 15 derniers jours, tu avais eu assez de raison pour comprendre toutes les révélations que je viens de te faire. » L'occasion favorable s'est présentée. Enfin, je l'ai saisie. Et tu peux m'en croire, le Saint-Prieur ne reviendra pas te racheter et te bénir. Ou du moins, s'il revient, il ne sera plus temps. Mais j'y songe, je puis le remplacer, moi. Retire-toi, Satan. Voyons, reprit le Chartreux, ne nous emportons pas et raisonnons. Je suis prêtre comme toi, ayant reçu le pouvoir de lier et de délier. Quoique nous ayons bien abusé tous deux de ce titre, quoique nous ayons souillé ce caractère par autant de crimes, qu'il faudrait de bonnes œuvres pour en être digne, on a prononcé une fois sur nous un mot qui nous a fait prêtre. En voilà pour la vie. Veux-tu que je te donne l'absolution ? Va-t'en, répondit Wolsey. N'en refuse pas, tout est prêt. Voici l'hostie consacrée, voici l'huile sainte. Il sera édifiant de voir deux misérables comme nous, dont l'un purifiera l'autre et le préparera pour le ciel. Laisse-moi, damné, dit encore le moribond. Eh bien, tu as raison. Répondit le moine avec un rire affreux. Je suis forcé d'en convenir, quoique tu me voles un dernier bonheur. Oui, tu as raison, car l'absolution que je t'offrais n'eût été qu'une fausse absolution. Je t'aurais maudit en feignant de t'absoudre, mais du moins, tu n'en auras ni vraie ni fausse. Et d'un mouvement violent, il renversa le prie-Dieu. L'huile sainte s'épancha et l'hostie roula par terre. Qu'ainsi s'accomplisse, s'écria-t-il, la menace que tu as pu lire. Écrit par la pointe de mon poignard au fond de la coupe d'or que tu avais volée à mon couvent pour en décorer ton boudoir du palais d'York. Prêtre démolisseur de Hinton, le moine chassé de Hinton te poursuivra de sa vengeance jusqu'à ta mort. » Wolsey avait vu avec douleur, mais avec calme, l'abominable profanation du moine. Il s'étendit sur sa couche, renversé, les mains jointes, les yeux levés au ciel, dans l'attitude des figures qu'on voit couchées sur les tombeaux. « Heureusement, » dit-il. Et sa voix était tellement faible qu'elle ne s'adressait plus aux êtres de ce monde. Heureusement Dieu, qui connaissait l'injustice et la méchanceté des hommes, n'a pas compté sur eux seuls pour sauver les mourants. À leur dernière heure, il leur a donné le repentir. Je me repens, mon Dieu. Pardonnez-moi. Telles furent les dernières paroles qui terminèrent cette existence, qui fut l'une des plus grandes et l'une des plus misérables dont l'histoire ait conservé le souvenir. Ainsi s'achève le cardinal Wolsey par Clémence Robert.